fasse ce suivi-là ensemble pour les prochains mois. Donc, pour ce matin, nous allons terminer, et je crois que Paul termine avec, il culmine, il arrive au maximum de ce qu'il veut dire aux chrétiens, il arrive à l'apogée de son enseignement, et avant de tourner la page vers les instructions pratiques de chaque jour. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous motive aussi à ne pas faire certaines choses dans votre vie? Et je pense à ça pendant que je montais en auto. J'ai le temps de méditer, j'ai né pour 7 heures, 8 heures quand je monte. Donc j'ai le temps de méditer, et je devais méditer aussi chez nous avant de partir. Mais qu'est-ce qui me motivait en tant que non-croyant? Et qu'est-ce qui me motive en tant que croyant? Qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? Qu'est-ce qui me pousse à partir travailler? Qu'est-ce qui me pousse à avoir des enfants? Qu'est-ce qui me pousse à me marier? Qu'est-ce qui me pousse à aller à l'école? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui est l'intérieur de moi qui me donne ma source d'énergie? Une fois, j'essayais d'encourager quelqu'un à travailler un peu, à le motiver, parce qu'elle n'avait pas de guts pour aller travailler, ça y tentait pas, tendance à pouvoir plutôt, je vais vous dire, c'est un de mes enfants, mais elle avait tendance à plutôt rester à la maison. Jusqu'au moment où est-ce qu'elle a eu un projet dans sa vie qui est devenu assez important pour elle, et à partir de ce jour-là, j'ai plus besoin de la motiver. Elle a travaillé 6 jours par semaine pour arriver à accomplir ce qu'elle voulait faire. Mais oui, pourtant, j'aurais pu essayer de l'encourager autant que je voulais en tant que parent, ça ne marchait pas. Mais quand elle a trouvé, elle, quelque chose qu'elle trouvait important dans sa vie, la motivation était plus utile de ma part. Plus utile. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui motive? Quelle motivation il y a entre votre confrère de travail qui fait la même job que vous? Est-ce que c'est différent? Sa motivation est-elle différente? Quand vous parlez avec eux autres, voit-il la différence entre votre motivation et leur motivation, leurs rêves et vos rêves, vos ambitions et leur ambition? Quand moi, j'ai pris ma retraite, entre guillemets, quand je parle avec les retraités, on a une différence dans notre raison, dans nos plans, dans nos projets. C'est différent. Des fois, le projet, si vous le regardez de l'extérieur, vous allez dire, ben, il y a le même projet que moi. Mais si vous regardez à l'intérieur, vous allez avoir une différence vitale, je dirais. Vitale. C'est très différent ce qui nous motive, le croyant est ou pas. Et je crois que ce que Paul fait dans ses 3 premiers chapitres d'Éphésiens, il donne aux chrétiens la motivation. Pas qu'ils vont essayer de les motiver après, mais en convainquant les Éphésiens de ce que Dieu a fait dans leur vie, il sait qu'il va créer en eux la motivation nécessaire pour les 3 autres chapitres. Il n'y aura pas besoin des cérémonies pendant 3 chapitres. Il leur a donné la raison de toute leur motivation. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est ça qui arrive bien souvent. En tant que chrétien, je fais des choses des fois, puis je me dis, oh boy, là je me rends compte après. Ah, si j'étais pas chrétien, j'aurais jamais fait ça. Je me rends compte après l'avoir fait que je l'ai fait à cause que j'étais un chrétien. Simplement. C'est pas quelque chose que j'étais obligé de me forcer à vouloir faire. Je l'ai fait, et je me rends compte que je l'ai fait parce que c'est fait partie de ma nature, ma nouvelle nature, ma nouvelle façon d'être en tant que chrétien. Je fais des choses que je réalise après que j'ai faites simplement parce que je suis un chrétien. et où je vais m'abstenir, je ne vais pas faire certaines choses parce que je suis un chrétien. Tout simplement, ça se fait naturellement, si je peux appeler ça comme cela. Quand j'étais un nouveau chrétien et quand j'ai élevé mes enfants, j'étais même avant d'être chrétien, mais je suis devenu chrétien, ça n'a pas changé tout de suite, on ne change pas du jour au lendemain, vous savez ça comme moi. On ne comprend pas tout ce qui se passe dans notre vie en devenant chrétien. Et j'ai mis beaucoup d'emphase sur l'extérieur de la vie. Et je me suis rendu compte qu'en lisant la Bible que Dieu appuyait ce que je vivais. Il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et qu'on met-tu de l'emphase sur l'extérieur? Hein? Toute notre économie est quasiment basée là-dessus. Sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et on ne regarde pas assez le pourquoi, les raisons à l'intérieur de nous. Parce que, une fois, je parlais avec un pharmacien non-croyant. Il dit, François, on n'a pas besoin d'être chrétien pour annoncer quelqu'un qui est en train de mourir sur le bord du trottoir. J'ai dit, t'as bien raison. Puis il y a peut-être plus d'inconvertis qui vont ramasser le gars que des chrétiens qui vont le ramasser. Mais j'ai dit, j'aimerais ça que tu me partages, toi, pourquoi tu le ramasserais, le gars, à terre. Puis moi, je vais te partager pourquoi je le ramasserais à terre, le gars. Et c'est là que s'est faite la différence. C'est pas dans le geste. Il y a des inconvertis qui donnent tout leur argent aux pauvres, qui vont, ils vont se lancer dans des aventures difficiles. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les motive? À tout donner leur bien parce qu'on allait vivre avec des pauvres pendant toute leur vie. Qu'est-ce qui les motive, eux autres? Hein? Ils le font. Il y a un paquet de chrétiens que je connais qui ne le feront jamais. Ben, je ne veux pas vous faire sentir coupable de ne pas le faire. Là. C'est juste que juste qu'on s'interpelle pourquoi ils le font, eux autres. Je connais des personnes, mon père, ma mère étaient des gens très honnêtes. Plus que bien les croyants que je connais. Mais qu'est-ce qui les motivait à être honnêtes? Qu'est-ce qui nous motive, nous, des fois, à être honnêtes ou à être des fois malhonnêtes? Ce qui motive l'être humain dans sa vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle le moi. C'est ce que la Bible appelle aussi le moi. Moi. Ça me rapporte à moi. La grande motivation de ma vie en tant que non-croyant, c'était moi. C'était ça. C'est ce que je vous dis. Je me levais le matin, puis je planifiais ma journée pour moi. Pas pour ma femme. J'aimerais bien vous dire oui, mais c'était pas ça. C'était pas mes enfants. C'était moi. Et à partir de là, je me souviens, aussi loin que je peux me rappeler, avant, ça devait être de même aussi, parce que j'étais arrivé à 11 ans, puis c'était comme ça. J'avais un but dans la vie, c'était devenir quelqu'un. C'était de devenir quelqu'un. Puis mon slogan, c'est d'être le meilleur. C'était d'être le meilleur dans ce que je faisais. C'était ma motivation de 11 ans jusqu'à 26 ans que je me suis converti. Devenir le meilleur. Dans un domaine quelconque. Pourquoi je voulais devenir le meilleur? C'était pas pour le bien-être des autres, je vous garantis. C'est parce que je recevais les fleurs. Quand tu es le meilleur, tu reçois les fleurs, tu reçois le trophée, tu reçois les compliments, tu reçois les applaudissements, tu reçois tout ça. C'est ça qui me motivait. C'est ça que je voulais, je veux dire. C'était comme ça. C'était comme ça. Même quand je faisais des gestes que pour les gens à l'extérieur, les gens avec qui je faisais le geste, me remerciaient, puis disaient « t'es donc fin, t'es donc gentil », et moi je savais bien à l'intérieur que c'était pas moi que je le faisais. Je voulais quelque chose d'eux autres. Je voulais quelque chose d'eux autres. Quand ma femme a réalisé ça, elle n'a pas trouvé ça tellement drôle que les fleurs, c'était pas moi dans le fin fond de l'histoire. Aussi. Mais s'il n'y avait pas eu une intervention divine dans ma vie, je serais encore juste comme ça. Je suis encore juste de même. C'est 60 ans, puis je suis encore bien pareil. Je vis dans une communauté pas une communauté, je veux dire, dans un aubaine, on est 8 maisons qui vivent un peu ensemble, parce qu'on a des choses qui appartiennent à toutes les 8, là, des piscines, puis des terrains de jeu, puis tout ça. Et je me rends compte, je parle avec des gens qui sont rendus à 85 ans dans le groupe qui est là, et c'est encore la même chose que j'entends. Même rendu à cet âge-là, ils n'ont pas été capables de changer. C'est impossible, hein? Dieu dit, on peut pas, le léopard ne peut pas changer sa peau, l'Éthiopien ne peut pas enlever sa peau noire, mettre une peau blanche. On est incapable de changer. On n'est pas capable, l'être humain n'est pas capable. Ça peut être un miracle de Dieu. Et l'apôtre Paul, de ce qu'on a vu jusqu'à date, nous dit qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de certaines personnes pour que ça change. Pour que ce soit plus pareil, cette affaire-là. Pour que ces êtres humains-là, que lui a choisi, on a vu ça dans le chapitre 1, que lui a choisi de toute éternité, avant la fondation du monde, avant qu'aucun de nous n'existe, avant qu'aucune parcelle de poussière ou d'atome, ou, appelez comme vous voulez, existe, avant tout cela, Dieu a décidé de faire quelque chose et a choisi des gens pour un but bien précis. Et quand on finit de lire, on s'aperçoit que c'était pour changer cette chose-là, que l'être humain, que lui était pour créer, mais vive pas pour lui, pour lui-même, mais pour celui qui était pour le créer. Si vous écoutez les médias, hein, télévision, musique, Internet, tout ce qui est dit là, ça n'a rien à voir avec Dieu en grande partie. Je ne dis pas que c'est pas de faire. Ben non. J'en ai une Internet, j'ai une télévision aussi, tout ça. Mais ça, parce que quand on l'écoute, on s'aperçoit que ces gens-là qui parlent, qui font des choses, font tout pour eux. Il y a un slogan depuis quelques années là, de la publicité, c'est « Tu le mérites bien. Tu le mérites bien. Je le fais pour moi. Je le mérite bien. Je me fais des choses pour moi. » Revendique tes droits, c'est pour toi, c'est toi, puis dans ce qu'on appelle la nouvelle pensée humaniste aujourd'hui, tu es le Dieu de cet univers, c'est toi le nobile du monde, donc tu fais les choses pour toi. Ça fait partie de notre histoire québécoise. Et si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous êtes incapable d'inverser ce processus-là. Mais Dieu a décidé de prendre des gens et il dit, je vais les sauver, je vais les régénérer, je vais leur pardonner, je vais faire de eux mes héritiers. Et il y a le petit slogan qu'on a vu ensemble, pour ma gloire. Peut-être qu'il dit quelque chose en finissant tout à l'heure, il dit, c'est par amour pour moi. Qui dit ça? Dieu. Un jour, j'ai dit, le dimanche passé, je passais dans une église, j'ai dit ça. Dieu s'aime! Puis il est venu me reprendre après la réunion, puis il dit, tu ne devrais pas dire ça si souvent. Dieu m'aime aussi! Il dit, non, pas de la même façon. Il t'aime parce qu'il veut que tu fasses quelque chose pour lui. Dieu veut que tu fasses quelque chose pour lui, donc il t'aime. L'amour pour Dieu, c'est, il t'enrobe dans l'amour, mais c'est parce qu'il s'aime lui. La flèche revient à lui. Il t'aime pour que tu fasses quelque chose pour lui. C'est par amour pour moi que j'ai fait tout cela. C'est pas pour vous autres. Et que le mot moi revient souvent. Tout à l'heure, j'écoutais un chant qu'on a chanté. Je pense que je l'ai compté 10 fois. Moi. Dans la Bible, c'est Dieu, il parle, puis il dit « moi ». Lui, il a le droit. Je vous dis, Dieu, il a le droit de le dire. Il dit « moi ». Je me souviens toujours la première fois que j'ai lu l'Ancien Testament, que j'ai vu Dieu dire ça. « C'est pas par amour pour toi, Jacob, que je fais toutes ces choses. Pas parce que t'es beau, que t'es fin, que je fais ça. C'est parce que je m'aime. » Ça a tellement drôle à dire, hein. Tu dis ça à un inconverti, une fois j'ai dit ça à un inconverti, il dit, c'est ça ton Dieu, j'en veux pas! Mais où? Ça, c'est l'être humain. C'est ça ton Dieu, j'en veux pas de ton Dieu. Moi, je vais avoir un Dieu qui est pour moi, qui va m'aider moi, qui va me résoudre mes problèmes à moi, qui va résoudre mes difficultés à moi, qui va faire de ma vie une vie un peu plus agréable dans ce monde de fous. Je vais avoir un Dieu qui va m'aider moi. Fait qu'il n'a pas accepté mon Dieu, hein, dans ce sens-là, il n'a pas pris mon Dieu. Parce que moi, j'y présentais un Dieu qui, j'ai dit, est-ce que tu voudrais avoir un Dieu pour le servir pendant toute ta vie? Il dit, non, j'en veux pas de ça. Il n'y a pas tellement longtemps, j'étais en train de faire la pelouse avec quelqu'un, posé de la tour, puis il me dit, François, il dit, il regarde un peu aux côtés, alentour, parce qu'il ne voulait pas personne entendre ce qu'il n'était pas me demander. Il dit, si je demande pardon à Dieu pour mes péchés juste à la fin de ma vie, est-ce que je suis correct? Avant de mourir. Et moi, je n'ai pas regardé alentour, s'il y avait quelqu'un qui écoutait, j'ai dit, non! Ça ne marche pas de même, mon job. Là, ce que toi, tu veux, c'est que pouvoir faire ta vie comme tu veux, faire ce que tu veux, avoir les plaisirs que tu veux, et à la fin, faire une petite prière de 15 secondes, puis là, tu dis, ah, je m'en vais au siège, je suis correct. Il dit, la vie chrétienne, c'est pas ça. Ça n'a pas été fait pour ça. L'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile n'a pas été annoncé pour ça. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais là, il dit, tu m'enlèves tout mon espoir. Moi, je comptais là-dessus. Mais j'ai dit, c'était une fausse espoir. C'est comme tu te confies dans une bouée de sauvetage percée. Ça donne à quoi d'avoir une bouée de sauvetage percée? Ça n'a absolument rien, tu vas te noyer avec ça. Dieu, et l'apôtre Paul dit, je vous donne, là, je vous donne la motivation. Vous avez été bénis par Dieu dans les lieux célestes. Il dit, maintenant, dans le chapitre 2, on a vu, vous êtes maintenant assis à la droite de Dieu en Christ. Vous êtes des nouvelles créatures et vous êtes assis. Cette semaine, je pensais, je disais, hey, c'est tellement bizarre la vie que j'ai. La personne avec laquelle je passe le plus de temps, c'est un alien, comme disent les jeunes. Quelqu'un qui est invisible, quelqu'un que je vois pas, quelqu'un qui est un extraterrestre. Le plus de temps que je mets de ma vie, je le passe avec quelqu'un que personne ne voit. Qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Je parle avec quelqu'un, je pense à quelqu'un, ce personnage-là, c'est quelqu'un qui n'est pas de ce monde et qui vit une autre vie, qui est parfait, qui est saint, qui est tout-puissant. Il n'y a personne d'autre autour de moi qui est comme ça, là. Mais c'est ce gars-là que je côtoie le plus, dans le fond. Et je côtoie tellement plus qu'il vit en moi, qu'il n'y a plus une résidence dans mon cœur, puis il vit là. Ce alien-là, comme on dit en anglais, cet extraterrestre-là, il vit dans mon cœur, puis il influence toute ma vie 24 heures par jour. Puis on a vu ensemble, au chapitre 3, qu'on a commencé à voir, il dit, je vous fais connaître toutes les richesses de Dieu qui sont cachées en Jésus-Christ. Toutes les richesses que Dieu a pour la création, qu'il a créée, sont dans la personne de Jésus, et cette personne-là vient habiter dans nos cœurs. Donc, toutes les richesses que Dieu a à donner à l'être humain sont dans la personne de Jésus, et ce personnage-là vit en nous. C'est pour ça que, je trouve fantastique, c'est que le petit gars dans le fin fond de la forêt à Madagascar, qui serait un chrétien là, et le gars qui vit ici au Québec, dans la plus grosse cabane de la ville de Val-d'Or, s'il est croyant, si les deux sont croyants, ils ont les mêmes richesses. Ils ont les mêmes richesses. Ils sont aussi riches l'un que l'autre par rapport à Dieu. Et mais qui meurent, ils vont tous les deux être avec Dieu pour l'éternité de la même façon. C'est ça qui est formidable avec le christianisme. Il n'y a pas d'égard à la race, il n'y a pas d'égard à la couleur, il n'y a pas d'égard au siècle dans lequel tu vis, il n'y a pas d'égard à ton quotient intellectuel, il n'y a pas d'égard à rien de tout cela. Et si tu m'appartiens, tu as toutes les richesses que je veux te donner, tu les as toutes, puis l'autre les a toutes, puis l'autre les a toutes, puis l'autre les a toutes aussi. Tout le monde les a toutes. Dans mon peuple, dans ma famille, tout le monde a les mêmes richesses. Et ce matin, nous allons aller à la source de la motivation la plus grande qui va nous donner pour fonctionner dans le chapitre 3, au verset 14, si vous voulez y tourner. Pour qu'on le comprenne bien, il faut se souvenir qu'on est en train de parler de cela. Je t'ai choisi, je t'ai béni pour ma gloire, je t'ai fait assis dans les lieux célestes pour ma gloire, je t'ai donné toutes les richesses que j'avais à donner pour ma gloire. Et là, ils arrivent à ce verset-là, ils continuent dans cette direction-là, et avant d'arriver au chapitre 4. Donc, on va lire ensemble, si vous voulez bien. Je vais monter ici pour une personne que je ne cache pas à personne. À cause de cela, le cela, à cause de la raison que je vous ai dit ces choses-là, La raison que je vous ai fait connaître ces vérités-là, la raison que je vous ai dit que vous êtes bénis en Dieu, que vous êtes des élus, que vous êtes des gens assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ, à cause de cela, à cause de toutes ces richesses que Dieu a mis en vous, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et vous qui termine son introduction, il avait commencé au chapitre 1, pour sa gloire, il va terminer à la fin du chapitre 3, à lui soit la gloire. Tout ce que je vous ai dit, c'est pour sa gloire. Tout ce que j'ai parlé dans les trois premiers chapitres, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, il va nous parler encore ce matin d'une autre vérité qui va nous emmener encore une fois à voir que Dieu fait toutes choses pour sa gloire, pas pour nous. Pour ma chair, on est encore charnel, comme on dit, il y a une partie de nous qu'on appelle la chair, cette partie-là qui n'a pas été régénérée. Quand on dit gloire de Dieu, c'est un irritant. C'est un irritant pour la chair, parler de la gloire de Dieu. Parce que dans notre chair, ce qu'on veut, c'est la gloire pour nous. Fait que quand on dit que tu dois faire ça pour la gloire de Dieu, tu dois vivre pour Dieu, tu dois prier pour la gloire de Dieu, tu dois faire ça pour Dieu, ça devient un irritant pour la chair. La chair déteste ces choses-là. Elle n'aime pas cela. Donc Paul, on va voir que Paul il dit, à cause de ce que je viens de vous dire pendant les trois premiers chapitres, je tombe à genoux, je fléchis les genoux, je tombe à pleine face à terre, je tombe, là, moi je pourrais dire en adoration, en louange devant Dieu. Je fléchis les genoux et je veux demander trois choses à Dieu. Je fléchis les genoux, il dit afin, au verset 16, afin que, puis un peu plus loin, au verset, sa gloire, verset 17, que Christ habite en vos cœurs, afin qu'il était enraciné, afin que. Donc, on va voir trois afin que. Il dit, je fiche les genoux afin que. Et la première chose qu'il va parler au verset 14 à 16, c'est afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié. Je fléchis les genoux afin que vous soyez des forts. Des chrétiens forts. Comment on va devenir fort? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir fort? Et si vous voulez voir ça un petit peu, allez lire les Actes des Apôtres. Paul, il dit qu'il allait d'église en église en fortifiant les croyants. Il fortifiait les croyants d'église en église. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il faisait des petites cellules dans la semaine? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait pour les fortifier? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faisait pour les fortifier? Je crois personnellement qu'il fait ce qu'il fait ici, la même chose qu'il fait ici. Il essaye de tout son être par les vérités de détourner les yeux de vous-même, de vos yeux de vous-même. Pour vous fortifier, il essaye de vous enlever les yeux du miroir. Et que vous regardiez vers quelque chose d'autre. Vers la motivation. Ce qui va vous pousser, ce qui va vous donner la force. Et l'apôtre Paul, il a appris ça d'une dure façon dans 1 Corinthiens. Il dit, c'est quand j'ai accepté d'être faible que je suis devenu fort. Quand j'ai détourné mes yeux de moi, je suis devenu fort. Dieu le dit autrement, il a dit à Saul dans l'Ancien Testament, quand tu étais petit à tes yeux, tu étais grand aux miens. Voyez-vous comment c'est contradictoire à ce qu'on entend dans notre société? Tu mérites, t'es fort, t'es capable, vas-y, regarde dans ton intérieur, tout est là, toute l'énergie est là à l'intérieur. Dieu dit, ni. Regarde à l'extérieur et tu vas être fort. Si tu regardes à l'intérieur, tu vas être faible. C'est dur parce qu'on entend ça toute la journée, qu'on doit regarder vers l'intérieur. Et quand on prend notre petit temps dans la parole de Dieu, puis qu'on médite Dieu, lui dit, non, François, regarde pas à l'intérieur, regarde à l'extérieur de toi. Il dit, il veut être que tu sois fort, c'est selon la richesse de sa gloire. Il dit, ce Dieu-là à qui je m'adresse, parce qu'on va faire un petit lien de verset 15, il dit, celui à qui je m'adresse, celui à qui je fléchis le genou, c'est le Dieu qui tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est la source de la force. C'est la source de la puissance. C'est la force, la source de toutes choses. C'est vers lui que je me suis agenouillé parce que il y a juste lui qui peut faire ça. Il y a juste lui qui peut me donner ça. Il n'y a pas de force en moi. Il n'y a pas de force dans les choses que le monde m'offre. La force que j'ai besoin est juste vers quelqu'un qui est Dieu. Donc je me tourne vers celui-là afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il dit qu'il veut nous fortifier sur la richesse de sa gloire. C'est quoi que ça veut dire, ça, pour vous? Des fois, c'est des beaux mots qu'on dit, là, des belles phrases chrétiennes, mais ça veut dire quoi, ça, dans le quotidien de ma vie? Il dit, je vais être fort, mais selon la richesse de sa gloire. Il dit, je veux que tu sois fortifié par la richesse de sa gloire. C'est quoi ça, cette histoire-là? Comment ça va faire pour me fortifier ça? La richesse de sa gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? Non, mais sa gloire à lui, c'est quoi? Si on demandait de définir la gloire de Dieu, ça serait quoi? La joie? Non, ça va être le résultat sur toi. La gloire de Dieu, c'est ses attributs. C'est ce qu'il est. C'est sa gloire. C'est ça qu'on appelle sa gloire. Comme on dit, Dieu est tout puissant ou omnipuissant, c'est sa gloire. Dieu est créateur, c'est sa gloire. Dieu est bon, c'est sa gloire. Dieu est amour, c'est sa gloire. Dieu est puissant, c'est sa gloire. Dieu est miséricordieux, c'est sa gloire. Qu'est-ce qui fait sa gloire? C'est ce qu'il est. Premièrement, ça va se manifester dans des actions. Et là, on peut voir sa gloire dans la création. Mais la création ne devrait pas avoir notre gloire, notre adoration. On adore, nous, le créateur de cette création-là. Avez-vous déjà dit ça une fois, j'étais dans un... Je fais des jokes des fois. On était devant une belle place, là, on est allé en voyage cet été. Puis on voit une belle vue, tu sais, quelque chose de beau, là, puis toi, c'est beau. Puis là, des fois, dans ma folie humaine, je dis, il y a quelque chose de bien plus beau ici, alentour. Et ils regardent, ils font le tour. Là, ils ne voient rien. Et là, je dis, c'est moi. La plus belle création de Dieu, c'est moi. C'est pas un arbre. C'est pas le fleuve Saint-Laurent. C'est pas les montagnes. L'apogée de la création, c'est moi. C'est l'être humain. Ah, on a de la misère à voir ça. On dit, ah, oh, que c'est donc beau, ça, ce paysage-là. Mais tu as plein de personnes alentour, puis tu regardes, sont-tu fatigués? Torse-toi, non. Peut-être, c'est ça l'apogée. C'est ça l'apogée. La création de Dieu, c'est ces gens-là sur deux pattes, puis on les déteste. On veut pas les avoir. On dit, sortez donc du décor, ça va être encore plus beau. Mais non! Mais non! Et Dieu dit, ce Dieu-là, il dit, je veux que vous vous fortifiez dans la personne de Dieu, dans les attributs de Dieu. Et je vous encourage, si vous lisez les psaumes, vous allez voir qu'à presque à chaque fois que David fait une prière, il va dire avant un attribut qui s'accorde avec cette prière-là. À chaque fois. Il va parler d'un attribut de Dieu. À cause de ta grande miséricorde, là, il va dire quelque chose. À cause de ta grande puissance, là, il va dire quelque chose. Il se fortifie dans la puissance de Dieu, dans les attributs de Dieu, pour faire ce qu'il a à faire. Lui, il n'y a rien. Il n'y en a pas de puissance, ce crétin-là. Pareil comme moi. Il n'y a aucune puissance. Chrétien que vous n'avez aucune puissance en vous. Donc, si vous voulez être fort, vous devez aller chercher la puissance dans quelqu'un d'autre. Dis, à cause, Seigneur, que tu es bon, que tu aimes, que tu es amour, donne-moi la grâce d'aimer ma femme. J'en ai pas d'amour, moi. Mais toi, à cause que tu es amour, donne-moi de l'amour pour aimer cette personne-là. Là, je dis, ma femme, ça peut être mes enfants, ça peut être mes voisins. Comprenez-vous ce que je veux dire? Nous autres, on n'en a pas. Et je veux que vous vous fortifiez dans la gloire de Dieu. Parce que sans ça, vous n'avez aucune puissance. Hein? Aucune. Il dit selon son esprit, par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, c'est cet esprit-là, cet esprit saint qui est mis en nous, dans les croyants, qui va nous aider à comprendre la personne de Dieu, puis à utiliser cette gloire-là, cette puissance-là, cette force-là, cet amour-là, dans notre être intérieur. Ne commencez jamais par l'extérieur. Commencez pas. Quand vous parlez à vos enfants, que vous les éduquez, que vous les élevez, quand vous voulez emmener votre mari ou votre femme à faire un changement quelconque, vous devez aller à l'intérieur. L'extérieur, il va y avoir un changement de comportement qui ne veut rien dire. Mes enfants ont fait leur lit jusqu'à temps qu'ils quittent la maison. Puis quand ils ont quitté la maison, ils ne faisaient plus leur lit personne. Ou presque plus. Ça, c'était la nature pour eux autres. Ça, c'était naturel. Ils ne voulaient pas faire leur lit. Ils le faisaient parce que papa le demandait, puis ils étaient plus gros qu'eux autres. Mais quand ils ont quitté la maison, l'être intérieur n'a pas été changé, pantoute. Donc là, ils sont revenus à leur naturel, et les couleurs sont à terre, ils ne veulent rien savoir. Puis mes enfants, en général, quand je vais les voir, je leur dis, je vais venir vous visiter demain. Ils se disent, ça fait du ménage. Ils savent que je ne suis pas capable d'endurer ça. Fait que là, ils font un peu de ménage. Là, pas bien d'arriver, ouais! Là, je peux m'asseoir quelque part. Voyez-vous? C'est que ça, c'est leur nature. Ils sont faits demain. Moi, j'ai mis trop d'enfants sur l'extérieur. Et l'extérieur, ils sont une folie, ils sont gentils, là, ils font tout ça, là. Mais dans le fin fond, ça ne va rien changer. Ça va changer. Parce que pour Dieu, lui, il regardait juste à l'intérieur, puis ça ne va pas changer à l'intérieur. Ça ne change absolument rien. Et dans nos églises, faisons pas la même gaffe dans nos églises de vouloir changer l'extérieur. Il dit, soyez puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans votre être intérieur. Il dit, je vous l'ai dit au chapitre 1, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il dit, utilisez-le, lui. Vous autres, vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de puissance, vous n'avez rien. Donc, il dit, tournez-vous vers ma gloire par cet esprit et utilisez qui je suis pour faire votre vie chrétienne. Moi, je trouve ça très libérateur, personnellement. Très libérateur. Les religions, les élites vont vous dire, fais pas ça, fais ça. Fais pas ça. Un chrétien, ça ne fait pas ça. Un chrétien, ça fait ça. Là, il se pointe le doigt vers vous, tout le temps. Lui de tourner le doigt vers Dieu et dire, Dieu, il veut des choses, mais il a la source pour les faire. C'est pas dur, ça. Si je te demande, lève le 500 livres que là, à terre, mais je vais le faire avec toi, mais le gars est gros comme ça. Le jour, je tenais une place avec pendant les vacances, il y avait, qui est l'homme le plus fort au Québec, là? Qu'est-ce qu'il s'appelle? Hein? Gérard, un ami Gérard, il était là. Et lui, ses bras, c'est comme mes cuisses, tu sais. Puis là, il disait, ouais, là, il prenait des grosses boules de 500 livres. S'il me dit, François, lève-la, puis je vais t'aider. Je dis, pas de problème. Pas ton bord. C'est lui qui la lève. Moi, s'il me demande de la lever, moi, là, je vais tout décourager tout de suite. Là, il va dire, non, je suis pas capable. Ouais, essaye-toi, force. Il va dire, je suis pas capable. Mais si lui, je vais la pogner avec toi, la boule, tu dis, vas-y, prends ton bord, vas-y. Ton bord va être plus gros que le mien, probablement. Voilà. C'est facile, c'est beau. Dieu nous dit la même chose. Je te demande de vivre la vie chrétienne, mais il dit que ce que je te demande, c'est moi qui vais le faire en toi. Amen. Mon ami, c'est beau ça. C'est très libérateur. C'est très libérateur. Donc, il dit, par ton esprit, il dit dans ton homme intérieur. Donc, avant de vouloir changer quoi que ce soit dans votre vie chrétienne, vous devez aller voir à l'intérieur. Regardez pas ce que vous faites de mal. Regardez pourquoi vous le faites, cette chose-là. Pourquoi ça vous attire tant? Essayez de comprendre le pourquoi et non pas changer le comportement. Ça va faire différent. Après ça, il dit au verset 17 et 19, « Afin qu'il vous donne d'être enraciné dans l'amour. » Et vu qu'on plante nos racines dans l'amour. L'autre jour, j'ai fait un petit cours en horticulture, comme vous le savez, et mon frère qui est mon voisin, il nous voit, dit, « François, j'ai planté un arabe gigale, j'ai entendu dire des choses pas trop correctes sur ces arabes-là. Là. » Il dit, penses-tu que c'est un problème avec ma fosse septique? J'ai dit, yes, sir. Parce que les Arabes à Giga aiment beaucoup l'eau, ça lui prend beaucoup d'eau. Il dit, toi, t'as planté ton chose, il y a ça des parterres, parce que ça, on est sur le, on appelle ça en quelque cas le tuf, ou le galet, ou la roche. Donc, Ton érable n'est pas capable de descendre, elle va juste s'étendre de même, puis le premier trou d'eau qu'elle va trouver, c'est ta fosse sceptique, elle va rentrer dedans. Ton libre vin. La semaine, il me voit, il dit, passe-tu tes ciseaux, il a tout coupé, ça petite, ben, ta pote, t'as juste cette hauteur-là, c'est encore le temps de la couper comme il faut. Il dit, je veux que tu t'enracines, François, dans l'amour. Et l'amour est qu'on a une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire, ça, cette histoire. C'est quelque chose qu'on comprend mal dans notre société, c'est ça. Pourtant, on la chante à tout vent, toute doctrine qu'on voudra bien. Ouvrez la télévision, vous allez entendre ça, je t'aime partout. Ouvrez la musique, vous allez entendre ça, je t'aime, mais je t'aime. Je m'en vais, mais je t'aime quand même. Puis, tu t'en vas, mais je t'aime pareil. Puis c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime tout le temps. Mais pourtant, on est une société qui manque d'amour au max. Mais je crois que juste parce qu'on ne comprend pas, ça veut dire quoi? Il ne faut juste pas comprendre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'amour? L'amour, ce n'est pas un feeling ou un sentiment quelconque. L'amour, la Bible nous dit que l'amour, c'est une personne. Vous avez déjà pensé à cette fonction-là. Quand vous dites que vous aimez, vous parlez d'une personne qu'on appelle Dieu. Dieu dit, je suis l'amour. Comme il dit, je suis la lumière, je suis la vie, nous, on pense que c'est quelque chose, là, quelque part, j'ai tombé en amour, bang, à terre, tiens, j'ai tombé en amour, voilà. J'étais frappé d'un coup de foot de l'amour, bang, voilà. Le Dieu tort m'a frappé d'un coup. C'est ça qu'on pense. On entend ça, hein. Je n'étais pas en amour hier, mais aujourd'hui je le suis. Bang, je suis en amour. 6 mois après, bang, je ne suis plus. Bang, je m'en vais. C'est ça que ça veut dire pour notre société. Mais quand lui va parler, c'est, je voudrais que vous enraciniez vos racines dans l'amour, il parle d'une personne, il parle de lui. C'est lui l'amour. Donc il dit, enracine-toi dans moi. Mais ça prend fort, là, des bonnes grosses racines, pour que quand tu vas tirer du jus de ça, tu vas tirer de l'amour. Et tu vas pouvoir aimer. Un peu. Pas parfaitement, hein? Un peu. Tu vas pouvoir aimer. Mais tu ne peux pas aimer toi. L'être humain n'est pas capable. Regardez votre société, vous allez voir, on n'est pas capable. On le dit. Puis on essaie d'aimer avec ce qu'on comprend de l'amour, mais est-ce que l'amour pour ces gens-là, est-ce que c'est la personne de Dieu? Non. Non. Mais il dit, je veux que vous soyez enracinés dans cet amour qu'il décrit comme étant infini. Il dit, je veux que vous connaissiez la profondeur, la hauteur, la largeur. Il dit, pour que vous compreniez comment c'est grand cette affaire-là. C'est aussi grand que la personne. Hein? Si l'amour, si ma compréhension est bonne, que l'amour c'est une personne qui est Dieu, comment est-ce qu'elle est grande, cet amour-là? Elle est infinie parce que Dieu est infini. Donc, cette source d'amour-là, elle est infinie, du plan terrestre là-dedans. C'est, je veux que vous compreniez ça. Cet amour-là est au-delà de tout ce que vous pensez imaginer. Au-delà de cela. Il dit, plantez vos racines là-dedans et abreuvez-vous. Mais comprenons bien, quand il nous parle ici au verset, pour se comprendre avec tous les saints, la largeur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ. Notre tendance chez les croyants, l'amour de Christ pour vous. C'est ce qu'on pense tout de suite. Assez de voir comment Jésus vous aime. Là, on va parler, Dieu, tu m'aimes, tu es mort sur la croix. Dieu, tu m'aimes, tu m'as pardonné mes péchés. Dieu, tu m'aimes, tu vas m'amener au ciel. Dieu, tu m'aimes. Là, on parle de l'amour de Christ pour nous. Mais c'est pas ça que ça parle. C'est pas ça que ça parle. Je l'ai dit au début. Dieu s'aime. Il garde, dit, regardez à quel point le Fils de Dieu aime son Père. Et ça m'a frappé il y a 5 ans dans ma vie chrétienne. À quel point Dieu aimait Jésus et Jésus aimait son Père. J'ai dit, pourtant, j'étais chrétien, j'étais aveugle. C'est pour ça que j'ai pas vu ça avant. C'est ça que ça parle, le Nouveau Testament. Puis moi, je croyais, il m'aime moi, il m'aime moi, il m'aime pour moi, il m'aime moi, il m'a pardonné, je m'en vais au ciel, il m'aime moi, il m'aime donc beaucoup, il m'aime beaucoup, il m'aime beaucoup, il m'aime beaucoup. Mais c'est pas ça la réalité. Je vais vous dire une chose, il va y avoir pas mal moins de changements dans votre vie si c'est ça que vous pensez. Mais le grand changement de nos vies chrétiennes arrive quand on commence à comprendre que Jésus-Christ aime Dieu par-dessus toute chose. C'est là que ça commence à agir dans notre vie personnelle. Et tout d'un coup, ça fait du sens. Je me souviens comme c'était là, j'étais assis à ma table et j'ai réalisé tout d'un coup que si Dieu s'aimait tant que ça, c'était la plus grande preuve que j'avais qu'il était Dieu. Ça m'a frappé comme si je m'en souviens encore, j'étais assis chez nous. Et tout d'un coup, j'ai dit, ben oui, si Dieu m'aimait moi, si c'est moi qui étais le nombril du monde, c'est moi qui serais Dieu. Si Dieu aurait tout fait ça pour moi, c'est moi qui serais le plus important. Mais non, il dit, c'est pour lui qui fait toute chose, donc c'est la preuve ultime qu'il est Dieu. Il n'y a pas d'autre plus grande preuve que ça. Dieu fait toute chose pour lui. Il dit, plantez vos racines dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Christ. Il dit, regardez Christ, combien il aime son Père. Regardez bien. Regardez-les bien à la croix. Quand il en sut du sang dans le jardin d'Éden, dans le jardin des Oliviers, c'est pas à vous qu'il pense. Il trouve ça dans la tête, c'est pas à vous. C'est à son Père. C'est l'amour qu'il y a pour Dieu qui va le pousser à la croix. C'est pas l'amour pour vous. Et que ça nous mène à notre place. Oups! Wow! Je viens de comprendre que c'est pas pour moi qui ai fait tout ça, là. J'en bénéficie. Ah, je me sens aimé de Dieu. Ah oui, Dieu m'aime, oui, oui. Mais c'est, moi, je suis un moyen pour atteindre quelque chose. Je suis pas la fin de la chose. Je suis pas la raison d'être de tout ce grand plan de Dieu. Je fais partie du plan. Je suis un outil, un instrument pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Donc, Christ meurt, il me sauve en passant, mais pour Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu ait un peuple qui va le servir pour l'éternité. Pour que Dieu, avec les millions d'anges que dans le ciel, s'il y en a des millions, il soit glorifié pendant l'éternité. Alors, si vous ne croyez pas, lisez l'Apocalypse, vous allez voir, il ne parle pas de vous. Il ne parle pas de vous. Vous n'aimez rien. Ben, voir votre nom là pour vous dire que Dieu vous donne des belles choses, puis que Dieu va prendre soin de vous dans les. Non. Revenez dans tout le monde dans l'Apocalypse, tout le monde, ange, être humain, tout le monde, face contre table, devant le trône. Tout le monde est comme ça. Pendant l'éternité. Là, c'est une image qu'il nous donne. Ça veut dire que Dieu va être le centre, la raison d'être, l'apogée, la source de toute chose, et tout le monde qui va être là va être vers Dieu. Pour toujours. C'est ça qui se passe dans l'Apocalypse. C'est pas, enfin, je m'en vais au ciel, Dieu va me donner ce que je veux, je ne suis plus malade, je vais avoir la santé, je ne mourrai plus, enfin, je vais être correct. Voyons donc. Voyons donc. Vous n'êtes pas Dieu, moi non plus. Il n'y en a qu'un, ça. Puis il n'est pas ici, physiquement, ici. Il est ici, mais pas physiquement. Afin que vous compreniez à quel point il vous aime. Et moi, je vous encourage, frères et sœurs, au lieu de regarder comment il vous aime pour un temps, regardez, en lisant les évangiles surtout, à quel point Jésus aimait Dieu. Puis il dit à plusieurs reprises, ça va vous frapper. Quand vous allez commencer à le voir, ça va vous frapper. Je ne suis pas ici pour moi, je suis ici pour la gloire de mon Père. Moi, je cherche la gloire de mon Père. Il dit, il y a une chose que mon Père cherche, c'est ma gloire. Dieu cherche ma gloire. Puis il dit, moi, je cherche la gloire de mon Père. Puis c'est tout ce qu'ils disent entre les deux. Tout le monde des quatre évangiles. Ils sont là, l'un pour l'autre, tout le temps. Puis c'est ça qui rend ça si merveilleux. C'est pas pour nous autres. Si vous le centrez trop sur vous, je vais vous dire, la vie chrétienne va devenir difficile. Premièrement, deux personnes que je connais qui sont chrétiennes depuis une quinzaine d'années. Puis eux, ça allait mal. Une journée que ça allait mal, selon les autres. Puis là, le monsieur dit, c'est la faute de Dieu, ça. C'est la faute de Dieu, ça. Voyez-vous? Dieu est là pour lui. Fait que si ça ne marche pas, Dieu n'est pas correct. Dieu n'est pas bon. Dieu, je l'aime moins. Parce que il prend pas soin de moi, il me protège pas, j'ai un accident, je suis malade, ma femme a perdu sa job, puis moi, ben, je peux pas respirer, puis là, Dieu, il prend pas soin de nous! Parce qu'on pense que c'est ça qu'il devrait faire. On pense que c'est ça qu'il devrait faire. On pense que Dieu est comme notre Dieu avant qu'on soit chrétien, notre statut sur le dash du char, puis ah, je suis correct, j'aurais pas d'accident! J'avais pas d'accident, j'ai mis un petit dieu. Pareil comme les Romains. Savez-vous que les Romains faisaient ça sur leur char de guerre? Ils mettaient des petites idoles de statues sur leur char de guerre. Puis j'ai fait, moi, quand j'étais jeune, on mettait une petite statue sur le dash, puis face contre le chemin pour qu'elle nous protège. J'avais les bras comme ça, mais ça voulait dire, torchez-vous, François s'en vient. On rit, mais c'est mal dit que ça nous montrait qui qu'on était, hein? On était comme ça. Dieu était à notre service. Et je vais vous poser la question. Dieu est-il à votre service ou alors si vous êtes à son service? Quand vous priez le matin, ou le soir, ou n'importe quelle journée, Dieu est-il votre serviteur ou si vous êtes le sien? Parce que ça se manifeste dans nos prières, vous savez. Protège-moi, garde-moi, donne-moi. J'aimerais savoir ça, j'aimerais ça, ça, ça, ça, Seigneur. Le Dieu est notre serviteur. Dieu n'est pas notre serviteur. Il est mort comme un serviteur sur la croix. Maintenant, il n'est plus là. Il est assis sur un trône maintenant. Puis tout le monde qui a été sauvé par ce geste-là sont maintenant, lui, les autres, les serviteurs de ce Dieu-là. Et je termine avec le troisième point. Au verset 20-21, Daniel, si tu veux tourner. Afin qu'il lui donne toute la gloire. Si Dieu fait toutes choses et que c'est tout lui qui fait à travers nous, c'est parce qu'il veut avoir toute la gloire. Hein. Le verset 21 dit, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans les générations au siècle des siècles. » Il dit au verset 20, « Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, quelle est la puissance qui agit en nous? » Mais ceux qui se souviennent du verset dans Éphésiens qu'on a étudié au chapitre 1, on a parlé de cette puissance-là. Je vous demande quelque chose là, que vous n'avez pas pensé le matin en vous levant. Hein. Dans chapitre 1, verset... Je pense que c'est 19 ou 20, ou 21, 22. Il parle de la puissance que Dieu a manifestée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. La puissance, c'est cette puissance de Dieu-là. La puissance qui agit en vous, c'est la puissance de Dieu. Comment c'est puissant, ça, la puissance de Dieu? C'est l'omnipuissance, c'est la toute-puissance. Il peut faire tout au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Et cette puissance-là qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Si c'est au-delà de ce que vous pensez, pouvez-vous le demander? Si c'est au-delà de ce que vous pouvez penser, est-ce que vous pouvez le demander? Non. Ben non. Ben non, c'est marqué. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ce que nous on demande, c'est des pinottes, c'est des grains de sable, on appelle ça des catémeries. C'est quelque chose qui ne durera pas longtemps, c'est juste ici bas, c'est pour un petit plaisir d'un jour. Mais ce que lui veut vous donner, ce que lui vous a donné en Jésus-Christ, parce qu'il dit bien au verset 21, en Christ, à lui la gloire en Christ, ce qu'il nous a donné en Christ, et c'est au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Essayez pas de l'imaginer, c'est au-delà. Mais tout ce que vous pouvez savoir a été révélé. Dans les Écritures, tout ce qu'on a le droit de savoir, c'était révélé dans les Écritures. Mais il dit, ce qui va venir dans les siècles à venir, pour l'éternité, dans la présence de Dieu, c'est au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Donc, vous ne le demanderez pas, vous ne le pensez pas. Vous ne le demanderez pas. Mais je vous garantis, mes frères et sœurs, je vous garantis qu'il va le faire pour vous. Même si vous ne le demanderez jamais. Parce qu'il l'a promis, ça fait partie de son plan. C'est ça qui me rend heureux de savoir qu'il va. Il dit, François, tu ne lui penses pas, tu ne le demandes pas, tu ne sais même pas jusqu'où ça va aller cette histoire-là. Mais moi, je te dis, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire parce que ça va me glorifier pour l'éternité. On a vu ensemble dans le chapitre 2 ou 3, c'était 2, je pense. Non, c'était 3. Il dit que les anges dans le ciel, présentement, les anges, les archanges, les êtres célestes, regardent, vous regardent ce matin, me regardent ici à Val-d'Or, puis eux autres, ces êtres angéliques-là, louent Dieu dans le ciel ce matin en vous regardant. Moi, je vous regarde. C'est bien ordinaire. Si vous me demandez de louer Dieu pour l'assemblée de Val d'Or, ça va me prendre à peu près 5-10 minutes, je vais être fini. Vous autres aussi, hein? Mais pourtant, les anges dans le ciel regardent l'église de Val d'Or, puis ils louent Dieu. Et ils rendent gloire à Dieu, ils disent, waouh, t'es grand, t'es capable, t'es puissant, t'es amour, t'es miséricordieux, t'es compatissant, pour avoir pris cette gang de, je dirais pas le mot. T'en as fait un peuple d'adorateurs qui te sert maintenant pour l'éternité. T'es puissant Dieu. Ils disent pas, François, tu prêches bien. Ils disent pas à un autre, ah, toi, t'es généreux, toi. Ah, toi, tu parles bien. Ah, toi, t'es un vrai évangéliste. As-tu vu ce gars-là, comment est-ce qu'il est bon? Ben, non, ils parlent pas de ça. Ils parlent juste de Dieu. Ils regardent l'Église, puis ils louent Dieu. Et nous autres, pendant l'éternité, On va être là, avec cette gang d'anges-là, pour on va louer Dieu en regardant ce qu'il a fait pour nous, et pour sa propre gloire, hein. Puis on va le louer, ça va nous pousser à la louange pour l'éternité. Je vous encourage encore une fois, on va le voir dans les autres semaines, dans les autres mois, quand vous vous levez le matin, quand on se lève le matin, qu'est-ce que je peux faire pour te servir, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour te glorifier aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais bien dire, hein, pour te glorifier? Au travail, à l'école, dans le pavillon des gens âgés. Partout où je suis, qu'est-ce que je pourrais bien dire pour t'exalter? Parce que j'ai été créé pour ça. J'ai été créé pour ça. Pensez moins à ce que Dieu, vous voudriez que Dieu fasse pour vous. Parce que moi, je vous dis, il va faire au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer encore. Fait que ce que vous demandez, il veut faire plus. Fait qu'arrêtez donc de demander tant. Arrêtons donc de tant demander. Il va faire plus qu'on peut demander. Il va faire plus. Passons plus de temps dans la méditation de Dieu et adorons-le. Louons-le. Louons-le. Pour tout ce qu'il a fait pour sa gloire. Prions ensemble. Notre grand Dieu, je prends le plaisir à dire que tu as fait toutes choses pour toi. Je prends le plaisir à dire que tu n'as pensé qu'à toi quand tu as tout planifié le monde. Quand tu as tout organisé, ce qu'on voit se découler depuis des millénaires, tu pensais à ta propre gloire. Quand tu as pensé de créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre pour l'éternité, tu pensais seulement qu'à ta gloire, encore une fois. Parce que c'est ça, un Dieu. Un Dieu, ça ne pense pas à autre chose qu'à lui-même. C'est pour ça que tu as dit à plusieurs reprises, je n'aime que moi, je n'aime que mon nom. Je veux me battre pour ma gloire de mon nom. C'est pour ça qu'un jour tu as repris Israël en disant, tu n'as pas glorifié mon nom et je vais te punir et je vais le glorifier moi-même. Seigneur, on n'a pas tout saisi cela quand on s'est converti à toi. Mais ta parole nous dit que c'est pour ça que tu nous as sauvés. Même si on ne l'a pas tout saisi, c'est pour ça que tu nous as sauvés. De nous d'apprendre à vivre comme cela, jour après jour. Hein. Et dans les mois qui vont venir, donne-nous la grâce de bien comprendre et saisir qu'est-ce que ça va produire en nous, tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que ça va produire en nous, le fait que le Saint-Esprit habite en nous, que Dieu habite en nous. Qu'est-ce que ça change, tout ça? Notre désir, poussé par l'Esprit de Dieu que tu as fait habiter dans nos cœurs, c'est de te connaître. Parce que lorsque nous te connaissons, comme Patrick a dit tout à l'heure, nous nous connaissons et nous comprenons que nous sommes là pour toi et pour te glorifier. C'est au nom de ton bien-aimé Fils que nous te prions. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non?